passé. Dommage que t'aies tout cassé. Maintenant va falloir, s'il te plaît, que tu t'en ailles. Ça fait du bien de te revoir. Dommage que je t'ai dit autant de boire. Maintenant il faudrait, s'il te plaît, que tu t'en ailles. Cette semaine, après ton assuré migraine, pour l'instant, prends tes souliers et ton chandail. Palais de Gary, n'était même pas sous. Palais de Gary, n'a rien vu du tout. Palais de Michel, va tenir son bout. Et que les causes me prennent pour un. Ça y est, il descend l'escalier. Une chance qu'il y a un Pepsi pour l'aider. Mais je doute fort qu'on en ait des représailles. Laisse ton auto, j'appelle un taxi. Prends mon argent, remets-moi ce jeudi. Pour l'instant, faut tout simplement que tu t'en ailles.